إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، continue la lecture et la traduction du tafsir de l'imam Sa'di رحمه الله تعالى. Toujours dans l'explication de Sourate Al-Mujadala. Qui est traduit par la discussion. On s'est arrêté au 9e verset de cette sourate. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce 10e verset de Sourate Al-Mujadala, selon le sens, la conversation secrète n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui ont cru, mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. قال الشيخ سعدي رحمه الله يقول تعالى إنما النجوى أي تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيده ضعيف ومكره غير مفيد ليحزن الذين آمنوا، هذا غاية هذا المكر ومقصوده، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء، وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم، ولا يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله وقضاه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده، فإن من توكل على الله كفاه وتولى أمر دينه ودنياه. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la conversation secrète, innama najwa, c'est-à-dire la conversation secrète des ennemis des croyants au sujet des croyants. Donc les discussions secrètes qu'ont les ennemis des croyants au sujet des croyants pour discuter de la ruse qu'ils veulent appliquer sur les croyants, discuter secrètement de la tromperie et demander le mal au diable. Demander le mal au diable dont la ruse, c'est-à-dire la ruse de ce diable, est faible et non productive. Puis il dit, rahimahullah, لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah Azza wa Jal dit, pour attrister ceux qui ont cru. Ceci est la finalité de cette ruse, et c'est le but de celle-ci. Pourquoi est-ce que les ennemis des croyants ont des discussions secrètes et des conversations secrètes dans lesquelles il y ait sujet de ruse et de tromperie envers les croyants, afin d'attrister ceux qui ont cru. Puis Allah Azza wa Jal dit, وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux croyants le fait qu'Allah Azza wa Jal leur suffise, qu'Allah Azza wa Jal leur suffit. Et il a promis aux croyants la victoire vis-à-vis de leurs ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Fatir, le verset 43, la mauvaise ruse n'enveloppe que ses propres auteurs. Wa la yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi. Ainsi, les ennemis d'Allah, de son prophète et des croyants, quelles que soient les discussions secrètes qu'ils peuvent avoir, quels que soient les stratagèmes qu'ils veulent mettre en application, eh bien, le mal de tout cela retournera à leur propre personne. Et ils ne pourront atteindre en mal les croyants qu'à travers une chose qu'Allah a décrétée et prédestinée, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal dit, wa ala Allahi fal yatawakkal il mu'minun. Et c'est en Allah que place leur confiance les croyants. C'est-à-dire qu'ils s'en remettent à lui et qu'ils sont persuadés de la promesse d'Allah. Ainsi, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit et Allah prend en charge ses affaires religieuses comme ses affaires mondaines. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 11, selon le sens, ô vous qui avez cru, quand on vous dit « Faites place aux autres dans les assemblées, alors faites place. Allah vous ménagera une place au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » قال الشيخ السعدي رحمه الله هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسح له في المجلس فإن من الأدب أن يفسح له تحصيلا لهذا المقصود وليس ذلك بضار وليس ذلك بضار للجالس شيئا فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هو والجزاء من جنس العمل فإن من فسح الله له ومن وسع لأخيه وسع الله عليه وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض فانشزوا أي فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان والله يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم الله به من العلم والإيمان والله بما تعملون خبير فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وفي هذه الآية فضيلة العلم وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. Il dit, rahimahullah, en expliquant ce 11e verset de Surat al-Mujadala, que ceci est une éducation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs croyants, que lorsque ses serviteurs se réunissent dans une de leurs réunions ou dans une de leurs assises, et que certains d'entre eux, donc certains de ces croyants qui sont présents dans cette assise, ou de ceux qui les rejoignent par la suite, s'ils ont besoin de faire de la place, alors fait partie du bon comportement de se serrer et de faire de la place afin que le besoin soit, afin qu'ils puissent répondre à ce besoin. Et le fait de se serrer et de faire de la place ne cause en aucun cas préjudice à celui qui est assis. Et ainsi, il permet à son frère de pouvoir s'asseoir sans éprouver de difficulté à cela. Puis il dit, rahimahullah, que la récompense est proportionnelle à l'acte et que celui qui élargit une assise et fait de la place dans cette assise, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui fera également une place, c'est-à-dire au paradis. Et celui qui permet d'élargir à son frère, Allah subhanahu wa ta'ala permettra également, ou Allah azza wa jal élargira également à ce serviteur. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, et quand on vous dit de vous lever, c'est-à-dire de vous lever et de quitter cette assise suite à un besoin particulier ou un besoin qui est apparu. فَانشُزُوا, alors levez-vous, c'est-à-dire empressez-vous de vous lever afin que ce besoin puisse être satisfait. Car de se lever dans de telles situations fait partie de la science et de la foi. Et Allah Azza wa Jal élève les gens de science et de foi. Il les élève en degré de par ce qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé comme science et foi. Puis il dit Azza wa Jal, Wallahu bima ta'amaluna khabir. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ainsi, il rétribue chaque personne selon ses actes. Si ce sont des actes bien, alors Allah Azza wa Jal le récompensera. Et si c'est un acte mal, alors Allah Azza wa Jal rétribuera cette personne en fonction du mal qu'elle a commis. Et dans ce verset, il y a le mérite de la science. Et que sa beauté et son fruit, c'est-à-dire la beauté et le fruit de la science, sont le fait d'observer les comportements de la science et de mettre en pratique ses enseignements. Ainsi, la beauté est le fruit de la science. La beauté de la science, c'est le fait de se comporter selon ce que demande la science, d'avoir le comportement de la science. C'est ce qui te permet d'embellir. Cette science t'embellit par le comportement que tu as. Et tu profites des fruits de cette science en mettant en pratique ses enseignements. Car, quel est le but de la science? C'est la mise en pratique. Ainsi, celui véritablement qui profite de sa science, c'est celui qui met en pratique ce qu'il sait. Celui qui profite réellement de sa science, c'est celui qui met en pratique celle-ci. Afin que cette science soit une preuve pour lui et non une preuve contre lui. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens dans les versets 12 et 13 de sourate Al-Mujadala, ô vous qui avez cru, quand vous voulez avoir un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien. Cela est meilleur pour vous et plus pur. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux. Appréhendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien. Mais si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la prière, acquittez les zakats et obéissez à Allah et à son messager. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. قال الشيخ سعدي رحمه الله يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تأديبا لهم وتعليما وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر، أي بذلك يكثر خيركم وأجركم، وتحصل لكم الطهارة من الأدناس التي من جملتها ترك احترام الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك الأدب معه بكثرة المناجات التي لا ثمرة تحتها، فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على الخير والعلم، فلا يبالي بالصدقة، ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في الواجد للصدقة. وأما الذي لا يجد الصدقة فإن الله لم يضيق عليه الأمر، بل عفى عنه وسامحه، وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة سهل الأمر عليهم، ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة، وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ، لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره ليس مقصودا لنفسه، وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له. وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها، فقال فإذ لم تفعلوا، أي لم يهن عليكم تقديم الصدقة. ولا يكفي هذا، فإن ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبد، ولهذا قيده بقوله وتاب الله عليكم، أي عفى لكم عن ذلك، فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام بهما على الوجه الشرعي فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده، ولهذا قال بعده وأطيعوا الله ورسوله، وهذا أشمل ما يكون من الأوامر، ويدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبر به والوقوف عند حدود الله، والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان، ولهذا قال والله خبير بما تعملون، فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم. İnci rahimahullahu teala. İnci rahimahullahu teala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de donner une aumône. De donner une aumône avant d'avoir un entretien confidentiel avec son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci afin de les éduquer et de leur renseigner. Ceci également afin de montrer l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait de donner de l'importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam contient le bien et c'est une purification pour les croyants. Pour cela qu'Allah azza wa jalla a dit « ذَلِكَ » خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ. C'est-à-dire que, à travers l'importance que donneront les croyants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'à travers cette importance, eh bien, ils auront beaucoup de biens et auront beaucoup de récompenses. Et qu'ils seront purifiés de toute souillure. Souillure dont fait partie le fait de ne pas respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas se comporter convenablement avec lui, notamment en ayant beaucoup d'entretiens confidentiels avec lui, des entretiens qui n'ont pas d'intérêt particulier. Puis il dit, rahimahullah, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que l'on donne une aumône avant d'avoir un entretien confidentiel avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait de donner une aumône sera une jauge, permettra de peser et de jauger celui qui, afin de pouvoir jauger et de savoir celui qui recherche vraiment le bien et la science à travers un entretien confidentiel qu'il aurait eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi il ne prêterait pas attention à l'aumône qu'il donnerait. Est-ce que vous avez compris ou pas? Allah Azza wa Jalla a ordonné aux croyants de donner une aumône avant d'avoir un entretien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de savoir celui qui réellement, dans sa demande d'entretien qu'il veut avoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si véritablement il recherche le bien et la science, ou si il ne veut par cet entretien que passer du temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné de donner une aumône. Car celui qui recherche le bien et la science, est-ce qu'il va prêter attention à ce qu'il va donner comme aumône au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, car le bien qu'il recherche et la science qu'il veut à travers cet entretien a bien plus de valeur pour lui que cette aumône qu'il donnerait avant de s'entretenir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela que Cheikh Saadi rahimahullah dit, quant à celui qui n'a pas de volonté à rechercher le bien, mais dont le but d'avoir un entretien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est uniquement de parler, sans avoir un but particulier derrière cela, eh bien, cette personne s'abstiendra d'avoir un entretien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose qui, c'est-à-dire ces entretiens, lorsqu'ils sont en grande quantité, nul doute qu'ils portent préjudice au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ainsi, il réfléchira à deux fois et s'abstiendra même de demander un entretien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il sait qu'il devra donner une aumône pour le faire, or, à la base, il ne recherchait pas un bien ou une science particulière. Puis, Cheikh Saadi dit, rahimahullah, هذا في الواجد للصدقة. Ceci concerne celui qui avait les moyens de donner une aumône. Quant à celui qui n'avait pas les moyens de donner une aumône avant d'avoir un entretien avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal لم يضيق عليه الأمر. الله عز وجل ne lui a pas fermé la porte. الله عز وجل n'a pas fermé la porte à ceux qui n'avaient pas de moyens, car parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, nul doute que beaucoup d'entre eux voulaient le bien et veulent la science à travers un entretien, mais n'ont pas les moyens de donner une aumône avant de s'entretenir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Allah Azza wa Jalla ne leur a pas fermé la porte et leur a autorisé, leur a pardonné de faire cela. Et leur a autorisé d'avoir un entretien confidentiel avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans donner d'aumône qu'il n'a pas en sa possession. Puis il dit, rahimahullah, Cheikh Saadi, puis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a vu l'appréhension et la crainte des croyants, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a vu la difficulté qu'avaient les croyants a donné une aumône avant chaque entretien qu'il voulait avoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal leur a facilité ce jugement. Et Allah Azza wa Jal n'a pas tenu rigueur de cela lorsqu'il délaissait l'aumône avant de demander un entretien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit qu'Allah Azza wa Jal a abrogé ce jugement. Qu'Allah Azza wa Jal a abrogé ce jugement, chose qui auparavant était obligatoire pour celui qui en avait les moyens, c'est-à-dire de donner une aumône avant d'avoir un entretien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ce jugement a été abrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, comme l'a dit Cheikh Sa'di, mais l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le respect que les croyants doivent avoir envers lui n'a pas été abrogé. N'a pas été abrogé. Car ce jugement, لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره ليس مقصودا لنفسه. Donc le jugement qui a été voulu par cela, la sagesse qui a été voulue par ce jugement d'imposer une aumône, c'est de bien se comporter avec le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et d'être généreux vis-à-vis de lui. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait abrogé ce jugement ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit plus être respecté et que cela ne signifie pas également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit plus lui donner d'importance. L'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam reste comme elle est et le comportement que l'on doit avoir vis-à-vis de lui reste bien sûr comme il est. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit, leur a ordonné de mettre en application les grandes obligations. Et il a dit « فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا » فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, mais si vous ne l'avez pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, c'est-à-dire si vous n'avez pas donné d'aumône. C'est-à-dire, si cela n'était pas facile pour vous, si le fait de donner une aumône n'était pas simple pour vous, mais cela ne suffit pas. Et si Cheikh Sa'di dit, cela ne suffit pas. Le fait qu'une chose ne soit pas simple ne suffit pas pour s'abstenir de la faire. Pour cela que Cheikh Sa'di dit, ولا يكفي هذا فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبد. Que cela ne suffit pas car ne fait pas partie des conditions de mettre en application un ordre d'Allah que celui-ci soit facile. Est-ce que vous avez saisi ou pas? Puis, Cheikh Sa'di dit, وَلِهَذَا قَيَّدَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْ عَفَى لَكُمْ عَنْ ذَلِكَ. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a émis une restriction en disant et qu'Allah vous pardonne et qu'Allah accepte votre repentir, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a épargné cela. Et c'est de cette parole d'Allah Azza wa Jal que les savants ont compris l'abrogation de ce jugement. Wa tab Allahu alaykum dans ce verset et qu'Allah a accueilli votre repentir. Ici, il faut comprendre et qu'Allah vous ait épargné ce jugement qui est de donner une aumône avant d'avoir un entretien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qui justifie le fait de ne plus donner d'aumône au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'avoir un entretien avec lui? Combien de choses? Deux choses le justifient. La première, que ce n'était pas une chose facile. Est-ce que ça suffit en soi pour arrêter de faire une obligation? Non. La deuxième est qu'Allah Azza wa Jal a épargné ce jugement. Allah Azza wa Jal a effacé ce jugement. pour cela qu'on voit certains mufassirines, comme l'imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, a expliqué ce sens dans la suite du verset. Car Allah Azza wa Jalla a dit par la suite, فَأَقِيمُ الصَّلَاةِ, accomplissez la prière, c'est-à-dire en accomplissant ses piliers et ses conditions, وَجَمِيعُ حُدُودِهَا وَلَوَازِمِهَا, en respectant toutes les limites et tout ce que implique cette prière. وَآتُوا الزَّكَاةَ, et acquittez-vous de la zakat, c'est-à-dire de la zakat obligatoire que vous devez donner à ceux qui la méritent. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a cité la prière et la zakat par la suite? Naam? Que ce sont des obligations. L'imam al-Baghawi rahimahullah a dit, en expliquant ce verset, et ça c'est une faïda que j'apporte, قال الإمام البغوي رحمه الله أي فذلك لا تسامح فيه قيل لهم ذلك حتى لا يحسبوا أنهم كلما ثقل عليهم مخل مما كلف نعم أنهم كلما ثقل عليهم فعل مما كلفوا به يعفون عنه. L'imam al-Baghawi rahimahullah a dit, c'est-à-dire que dans ces obligations, il n'y a pas de clémence sur la prière et la zakat. Allah Azza wa Jal a dit cela pour que les gens ne pensent pas que lorsqu'un acte est difficile pour eux, alors ils en sont exempts. Allah Azza wa Jal, en parlant de cette aumône qui est donnée avant l'entretien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a justifié cela parce que c'était une difficulté pour les croyants, mais parce qu'Allah Azza wa Jal a exempté les croyants de le faire par la suite. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal ordonne de faire la prière et de faire la zakat, qui sont des adorations dans lesquelles, même si la personne peut les trouver difficiles, cela ne justifie pas le fait de s'en abstenir. Puis le Cheikh Saadi rahimahullah dit, « Wahatani al-ibadatan » et ces deux adorations sont les adorations mères. Les adorations mères, ces deux adorations que sont la prière et la zakat. L'une qui est une adoration accomplie, qui est faite par les membres du corps, et l'autre qui est une adoration en rapport avec les biens. Celui qui met en pratique ces deux adorations, comme il se doit, a alors donné les droits à Allah et les droits à ses serviteurs. Les droits à Allah à travers la prière et les droits aux serviteurs à travers la zakat. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit par la suite, « وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » et « Obéissez à Allah et à son prophète ». Et ceci englobe bien sûr toutes les obligations. Et entre dans ces obligations l'obéissance à Allah et l'obéissance à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mettant en pratique leurs commandements et en s'abstenant de ce qu'ils ont interdit, en considérant vrai ce qu'ils ont apporté comme information et en s'arrêtant au niveau des limites qu'Allah Azza wa Jal a tracées. Et tout cela, bien sûr, est lié à la sincérité et à la bienfaisance. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Wallahu khabirun bima ta'amaloun » « Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla sait parfaitement les œuvres que vous accomplissez et de quelle façon elles ont été mises en œuvre

قسطا من الثواب أولئك أصحاب النار الملازمون لها الذين لا يخرجون عنها وهم فيها خالدون ومن عاش على شيء مات عليه فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعا حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على شيء لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئا فشيئا حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق عليه الثواب وهم كاذبون في ذلك ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله وهو العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشر إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الذين خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم. Donc le Cheikh Saadi rahimahullah dit en expliquant ces versets 14 à 19 de sourate Al-Mujadalah. Allah subhanahu wa ta'ala informe de la situation pitoyable des hypocrites, ceux qui ont pris pour alliés les mécréants parmi les juifs et les chrétiens et autres qui ont provoqué la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, ces hypocrites bénéficient d'une grande part de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous cite également que ces hypocrites ne sont ni des croyants ni des mécréants. Comme le dit Allah Azza wa Jalla dans Sourate An-Nisa, le verset 143, ils sont indécis, c'est-à-dire entre la foi et la mécréance, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas croyants en apparence, ni dans leur fort intérieur, car à l'intérieur d'eux, ils sont avec les mécréants. Et ils ne sont pas avec les mécréants de façon apparente et cachée, car de façon apparente, ils sont avec les croyants. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala les a caractérisés. Et leur situation également est qu'ils jurent sur, pour montrer le contraire de ce qu'ils sont. Ils jurent donc de façon mensongère. Lorsqu'ils sont avec les croyants, ils jurent qu'ils sont des croyants. Et lorsqu'ils sont avec les mécréants, ils jurent qu'ils sont alors que ils sont mécréants au fond d'eux. Donc Cheikh Saadi dit, ils jurent qu'ils sont croyants, tout en sachant qu'ils ne sont pas croyants. Et la rétribution de ces traîtres, de ces pervers et menteurs, est qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé un châtiment douloureux, un châtiment qui ne peut être quantifié, un châtiment dont l'on ne peut connaître la description. Ils ont fait des choses mauvaises. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Lorsqu'ils ont mis en application ce qui provoque le courroux d'Allah et ce qui oblige leur châtiment et de le fait qu'ils bénéficient de la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Puis Allah Azza wa Jal dit, ittakhadhu aymanahum junnah. Ils ont pris leur serment comme une protection. Cheikh Saadi dit, ay tursan wa wiqaya. Turs, c'est le bouclier. Donc ils ont pris leur serment comme un bouclier et une protection. Un serment, des serments par lesquels ou par lesquels ils se préservent, soi-disant, des reproches d'Allah, de son prophète et des croyants. Et c'est à cause de cela qu'ils ont eux-mêmes dévié et ont fait dévier les autres du droit chemin. Le chemin, le seul chemin qui amène aux délices du paradis, le chemin dont celui qui s'en dévie ne peut être dévié que vers le chemin qui amène en enfer. فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Puis Allah Azza wa Jal dit, ils auront à eux un châtiment avilissant. Un châtiment avilissant, c'est-à-dire un châtiment humiliant. Car ils se sont enorgueillés vis-à-vis de la croyance en Allah. Et ils se sont enorgueillés vis-à-vis de, et ne se sont pas soumis au signe d'Allah. Eh bien, parce qu'ils se sont enorgueillés vis-à-vis de cela, Allah Azza wa Jal les humiliera par un châtiment éternel. Un châtiment qui ne sera jamais interrompu et un châtiment dans lequel ils ne connaîtront aucun répit. Puis Allah Azza wa Jal dit, « لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre le châtiment d'Allah. » C'est-à-dire que toutes ces choses ne pourront les repousser du châtiment. Et ces choses ne leur apporteront aucune part de récompense. « Oulaïka ashabun nar » ce sont eux les habitants du feu, c'est-à-dire ceux qui y resteront, ceux qui n'en sortiront jamais. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ils y resteront éternellement. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit que celui qui vit sur une chose meurt sur celle-ci. De la même façon qu'ils ont été hypocrites dans cette vie d'ici-bas et qu'ils se camouflaient en croyant et qu'ils juraient qu'ils étaient croyants, eh bien le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala les ressuscitera tous. Et le jour du jugement, ils jureront à Allah comme ils ont juré aux croyants. Ils jureront à Allah qu'ils étaient croyants. De la même façon que dans cette vie d'ici-bas, ils juraient aux croyants qu'ils étaient croyants. Et ils penseront que ces serments leur apporteront quelque chose de solide. Car la mécréance dans laquelle ils sont, l'hypocrisie dans laquelle ils sont, la croyance erronée qu'ils ont, n'a cessé d'être ancrée dans leur raison petit à petit, jusqu'à les avoir trompés et dupés. Et il est bien sûr connu que le mensonge ne connaît aucun succès chez celui qui connaît les choses cachées comme les choses apparentes, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce mensonge leur profitait dans cette vie d'ici-bas, en le fait qu'ils passaient inaperçus ou qu'ils n'étaient pas sujets à des reproches de la part des musulmans, si le mensonge qu'ils faisaient, qu'ils disaient dans cette vie d'ici-bas leur apportait un quelconque bénéfice, eh bien, ce mensonge ne connaîtra aucun succès le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, ce qui les a amenés à une telle situation est la domination du diable sur eux, et que le diable a pris le dessus sur eux et leur a embelli leur action et leur a fait oublier le rappel d'Allah, ce diable qui est l'ennemi manifeste le diable qui ne leur veut que le mal. Comme l'a dit Allah Azzawajal, إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dans Surat Fatir, le verset 6, il invite son parti, c'est-à-dire le diable, il invite son parti à faire partie des gens de la fournaise. Et c'est pour cela qu'Allah Azzawajal a conclu ce verset 19 de Surat Al-Mujadala, أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ. Ceux-là sont le parti du diable. Or, le parti du diable ne sont que les perdants. Les partis du diable sont les perdants. C'est-à-dire, ce sont eux qui ont perdu leur religion, qui ont perdu leur vie d'ici-bas, qui ont perdu leur personne et leur famille. Thumma qala ta'ala, إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله عز وجل dit dans les versets 20 et 21 de sourate Al-Mujadala, selon le sens, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. Car Allah a prescrit: assurément, je triompherai, moi ainsi que mes messagers. En vérité, Allah est fort et tout-puissant. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا وعد ووعيد. وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصي أنه مخذول مذلول لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة. ووعد لمن آمن به وبرسله واتبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين أن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة. هذا وعد لا يخلف ولا يغير فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده. الشيخ السعدي رحمه الله dit: il y a dans ces deux versets une promesse et une menace. Une menace à ceux qui s'opposent à Allah et à son envoyé. Comment ils s'opposent à Allah et à son envoyé? Par la mécréance et la désobéissance. Celui-ci, la menace qui pèse sur lui est qu'il sera humilié et rabaissé. Sa fin ne sera que mauvaise et il ne saurait connaître de victoire. Et la promesse, c'est la promesse d'Allah Azzawajal à celui qui a cru en lui et en ses prophètes et qui a suivi ce qu'ont apporté ses envoyés alayhimus salam. Ainsi, cette personne fait partie du parti d'Allah victorieux. Et Allah Azzawajal leur a promis la victoire, la suprématie dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. C'est une promesse qui ne peut être trahie et qui ne peut être modifiée, car c'est une promesse qui émane du véridique, du tout fort, du tout puissant, celui dont rien de ce qu'il ne veut est difficile, subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Puis Allah Azza wa Jal dit dans ce dernier verset de sourate Al-Mujadala, le verset 22: tu n'en trouveras pas, c'est-à-dire au Muhammad, tu ne trouveras pas au Muhammad parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Ceux-là, il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son ruh. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont du parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. قال الشيخ سعدي رحمه الله يقول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أي لا يجتمع هذا وهذا فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا إذا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به ومعاداته ولو كان أقرب الناس إليه وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته والمقصود منه وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان أي رسمه وثبته وغرسه غرسا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك وهم الذين قواهم الله بروح منه أي بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار ولهم جنات النعيم في دار القرار التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار ولهم أكبر النعيم وأفضله وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا فوقه نهاية وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها تم تفسير قد سمع بحمد الله وعونه وتسديده والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما Donc le Cheikh Saadi rahimahullah dit Allah Azza wa Jal dit tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et son messager qui prennent pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. C'est-à-dire que ces deux choses ne peuvent se réunir. Quelles sont ces deux choses ? Croire en Allah et au prophète et avoir comme allié ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ainsi, Cheikh Saadi dit, le serviteur ne peut être croyant en Allah et au jour dernier de façon véridique et véritable que s'il met en pratique les implications de cette foi. Quelles sont les implications de cette foi ? Parmi les implications de cette foi, aimer celui qui croit en Allah et être son allié, et détester celui qui ne croit pas en Allah et ne pas éprouver d'amitié, même s'il fait partie des gens les plus proches. Puis il dit, rahimahullah, هذا هو الإيمان على الحقيقة. Voilà ce qu'est la véritable foi, celle qui apporte les fruits, celle qui apporte ses fruits et permet d'arriver au but voulu. Et ceux qui sont caractérisés par cela, c'est-à-dire qui ne sont pas alliés de ceux qui s'opposent à Allah et à son envoyé, ceux-là sont les personnes à qui Allah Azzawajal a mis la foi dans leur cœur. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a planté dans leur cœur cette foi et l'a raffermi. Une foi qui ne peut être ébranlée, une foi qui ne peut être affectée par quelconque ambiguïté ou par quelconque doute. Car on a vu à plusieurs reprises que d'avoir la foi en une chose, c'est d'y croire fermement, avec certitude, sans aucun doute. Ce sont ceux qu'Allah Azzawajal a renforcés par son ruh, par un ruh de sa part, c'est-à-dire par une révélation et une aide. Par une révélation et une aide. Ce sont ceux qui auront une bonne vie dans ce bas monde, et ce sont eux qui auront des jardins dans la demeure éternelle. Cette demeure dans laquelle il y a tout ce qu'une âme peut désirer et vouloir, et tout ce que les yeux, et tout ce qui réjouit les yeux. Ils auront, c'est-à-dire au paradis, les plus grands délices et les meilleurs. Ils auront les plus grands délices et le meilleur est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait d'eux et فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا et Allah azza wa jal ne sera jamais courroucé contre eux. Ils seront satisfaits de ce que leur Seigneur leur donnera comme différents dons et comme différentes récompenses. Allah Azzawajal les élèvera en degré de telle sorte qu'ils ne verront pas d'autre but à atteindre et ni d'autre limite au-dessus de ce qui leur sera donné. L'être humain dans cette vie d'ici-bas a toujours un but à atteindre. Son but est la satisfaction d'Allah, Azza wa Jal. Le croyant qui adore Allah, Azza wa Jal, nuit et jour, quel est son but? C'est d'obtenir la satisfaction d'Allah, Azza wa Jal. Et celui qui obtient la satisfaction d'Allah, Azza wa Jal, eh bien, a obtenu la clé du paradis. Ceux qui sont au paradis n'auront plus de but à atteindre, car leur but le plus ultime aura été atteint. Et ils n'auront plus de limites dans ce qu'ils auront obtenu. Ils auront obtenu ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Il n'y aura plus donc de limite à atteindre. Car ici, dans cette vie d'ici-bas, l'être humain est toujours à la recherche du surplus. Comme l'a dit le professeur Salam, si le fils d'Adam avait un fleuve d'or, il en voudrait un deuxième. Et ainsi est l'être humain. Lorsqu'il obtient une chose, il en veut toujours une meilleure. Quand il a un objet, il en veut un second. Lorsqu'il a un objet correspondant à un modèle particulier et que le modèle supérieur est sorti, eh bien il veut se l'approprier. Or, les gens du paradis, il n'y aura plus de limite à atteindre. Ce qu'ils n'avaient jamais pu imaginer, eh bien Allah Azza wa Jal leur donnera. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah a dit: quant à celui qui prétend croire en Allah et au jour dernier, tout en faisant preuve d'amitié envers les ennemis d'Allah, tout en aimant celui qui délaisse la foi et la jette derrière son dos, celui-ci à une foi prétendue qui n'a pas de réalité. À une foi prétendue qui n'a pas de réalité. La haqiqata lah. Car toute chose doit être soutenue par des preuves. Et le fait de prétendre n'apporte rien et l'on ne peut considérer vrai la personne qui prononce ces paroles. Ainsi, comment est-ce que l'on sait qu'une personne dit la vérité ? Est-ce que c'est par le simple fait d'avoir proféré des paroles ou d'avoir prétendu une chose que l'on considère qu'elle est vraie ? Non, c'est en apportant les preuves. C'est pour cela que Cheikh Saadi nous fait comprendre que il n'est pas possible qu'une personne croit en Allah et au prophète et éprouve de l'amour, de l'affection, de l'amitié proche envers celui qui s'oppose à Allah et à son envoyé, envers celui qui ne croit pas en Allah et en son messager. Ainsi se termine le tafsir de sourate « Qad sami'a Allah » par la louange d'Allah et son aide, et la louange appartient au Seigneur des mondes. وصلى الله وسلم على محمد وسلم تسليما ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك